Chers auditeurs et auditrices, pour en savoir plus sur les conditions de vie dans les bidonvilles au Brésil, un jeune journaliste français est allé dans un de ces milieux difficiles qui entoure la ville de Rio de Janeiro. Nous allons entendre le témoignage d'une rencontre touchante entre celui-ci et un enfant des favelas. Après la traversée de l'Atlantique, je vois enfin les côtes de l'Amérique devant ce paysage magnifique, dans la lumière dorée du coucher de soleil. Une petite brise me donne des frissons dans le dos, mes sens sont en éveil. Rio de Janeiro m'ouvre ses bras comme Jésus sur le Corcovado. Le Brésil est un des plus beaux pays du monde, une terre d'asile où la nature abonde, en contraste avec les grands buildings bâtis au pied des collines. Le climat est tropical, le soleil cogne sur la mer qui se loge dans le creux des montagnes. Je prends la direction de la Rocinha, c'est le bidonville le plus important. La favela est habitée par plus de 300 000 survivants. À la limite de la ville, à côté des usines, ils ont construit leur baraque sur le flanc des collines, récupérant ce qu'ils pouvaient, des briques, des pierres, du ciment ou de la terre, des planches de bois, ou juste un morceau de tôle en guise de toit. Dans ce dédale de ruelles, encombré de sacs poubelles, je croise un enfant qui me regarde en souriant. Hey petit, comment t'appelles-tu ? Moi c'est Pablo, je viens d'avoir 10 ans, je vis juste un peu plus haut, avec mon petit frère, ma sœur, chez mes grands-parents. Mes papis est bien trop vieux pour travailler, c'est mémé qui fait la couture dans un atelier. Ma grande sœur s'occupe de tout chez moi, elle fait la cuisine, le ménage, la vaisselle. Elle a 14 ans, je l'aime, elle est très belle. Elle m'a envoyé chercher de l'eau à la fontaine pour remplir ce bidon. Si tu veux viens avec moi, la vue est très jolie de là-bas. D'accord Pablo, mais tes parents que font-ils ? Papa et maman sont partis malheureusement de maladie. On a tous été très tristes après leur enterrement uni. On surmonte cette souffrance, on reste dans l'espérance. Chez nous c'est le partage, on se nourrit avec le fruit des arbres et l'argent du tri dans les décharges. Et sinon la journée tu vas à l'école ? Non j'y vais pas, j'y suis allé il y a 4 ans de ça, quand mon grand-père travaillait dans une usine de ciment. Mais maintenant on n'a pas assez d'argent, les autres y vont, je les regarde souvent jouer au ballon dans la cour de récréation. Ça doit pas être amusant de travailler autant à ton âge. Que fais-tu avec les autres enfants? J'espère que vous êtes sages. Oui, on joue beaucoup au foot avec les copains. On rêve d'un vrai stade, d'une école et d'un hôpital pour les malades. De temps en temps, on descend à la plage. On danse autour d'un feu qui crépite. On s'endort doucement sur le sable encore chaud de la crique. Pendant qu'il laisse couler un petit filet d'eau dans son jerrycan, je savoure l'immensité de la mer et des odeurs d'océan. Tu sais, les petits Français n'ont pas les mêmes priorités ni les mêmes besoins. Ils s'attachent à leur matériel et se haïssent entre voisins. Ah bon ? Moi je croyais qu'ils vivaient bien. Bien sûr, ils ne manquent de rien. Ils ne souffrent pas du manque de soins. N'ont pas de problème pour se vêtir, pas de difficulté à se nourrir. Alors ils sont heureux ? Oui, certains le sont, parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais beaucoup en veulent toujours plus et sont égoïstes. Mais tu sais, l'argent en surplus ne fait pas le bonheur. Il sépare les familles, rend les gens tristes et efface l'amour qu'ils ont dans leur cœur. Les enfants sont agressifs de plus en plus tôt. Ils passent leur temps devant les films violents. Ils réitèrent dans la rue ce qu'ils ont vu à la télévision. D'autres sont craintifs et pleins de complexes. Et ils s'enferment avec la drogue et se pervertissent dans le sexe. Moi aussi j'ai vu sur les grands boulevards des femmes qui se vendent le soir aux riches touristes qui sont venus en vacances. Je connais aussi des jeunes qui respirent de l'essence ou bien de l'alcool. Puis ils vont dans des magasins et volent sur les étals et à toute vitesse ils détalent. Ici très jeunes nous devons nous débrouiller. La vie ici est dure mais nous sommes joyeux grâce à notre foi en Dieu qui nous aide chaque jour à supporter nos épreuves avec amour. Pardonne-moi, la nuit tombe, je dois rentrer. Mamie va sûrement s'inquiéter. Ça m'a fait du bien de parler avec toi, tu sais. Rentre bien et ne m'oublie pas. Merci Pablo pour ces quelques mots échangés avec plaisir. Cela m'a fait réfléchir déjà. La simplicité qu'ici il y a, malgré la pauvreté et cette injustice que vous supportez. Ton sourire restera gravé à jamais dans mes souvenirs. Au revoir mon petit, que Dieu te garde et t'inspire pour ton avenir. Ton avenir, ton avenir. Voici la fin de ce récit rapporté par le journaliste, chanté par deux rappeurs de la Vienne, Mako dans le rôle du journaliste, Scalpel dans le rôle de Pablo, en espérant que ce reportage vous aura sensibilisé à ce que peuvent vivre nos semblables dans ce pays. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Veuillez rester à l'écoute pour la suite de notre programme.